Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Martina, je suis allemande. Et toi ? Moi, je suis italien. Je m'appelle Francesco et je suis musicien. Oh, moi aussi je suis musicienne. Je suis violoniste. Je vais à l'opéra ce soir. Tu viens avec moi ? D'accord, à ce soir. Bonne journée. À toi aussi.